que no cuore. Cuore che no cuore. Cuore che no cuore. Cuore che no cuore. Ubuheruka muri muri kirukuri. Nicishe kwa mazi darasinda akiri kare no nagasabule ngaka kamere ko naraheze ndeka kade ya koti yanje niwa yimeshi nagaga nchenda sibagira hewe utavyibagira siko none nkaho nyine ugira uje hewewe kumuntu abakubwira ukamenga ntiwumva Nagomba zimbe hariya mukigwati bisangi ndaho kwicuka ki Utuja he kandi mwebwe muzobwirwa ruko amasa tukuye none ga ntuzewe njangu mamunje mu rwitondongo y'umutumba Gwaga yaraye hatwe kugutsinda mu kaburi None ubugira umwishire Rakaraka nu mutima ntarasubira hamwe Kubona ga yemwe ndengera ko ngo nitwe twishe gisheshe Ntacho wari kubona Yesingene twari twarutaye nazibera tukubuza ngo ntuje kumaziko ya gisheshe ukadutagati mukamwe abanyagusangi twane twemeshe ni mungorane hagize uburu wiwe twese twasangira umubabara nta waraba ngo hapfu umuseruko cyangwa umurenge nawe ko wumva musangira umubabaro ntibaye bahatswe kukumena gahanga kandi burya mwebwe muguma mufyina nibona ko ibintu bikomeye Baba zonu kikichuka kibi Kiriko kila tuzuri ya kabo ze kama chakubili Yaba sebu kona bare ngero No, nesa bare ngero njene bariko wala vizana Biga zibira vuga nivyo Jisheshi niyo wami ichi ingo baro unha oba ducha Jopjo ni bimwe byimfu n'imfane bya mabijana Abaseruko ngo nabare ngero bami ichi Kukira baro unha oba dukura Mubare ngero naho Uwo muraga w'abaseruko bagomba batuma Harira gose Bamwitondera ibyo bihuhantuzewe Ubu bwoba bwose buterwa n'ibyo bihuha nyene Bya munsi gishesha fubwa Bwake abantu bahunga Mbona bakigina rugo bahunze kera Bajya bosha barazi cyo bariko barategura Muraje ngaho mwishinge ngo nibihuha Muzogwa mu nzu Jewe inkuru narose ntihumuriza inkuru nyabaki Erika ngo bamwe baheruka gutera ngo baracyari mu micungararo ngo binyegeje muri iryo shyamba riri ku mupaka hagati y'Rusangi na Bugo ngo niho bashyize ikirindiro none wowe wabibwiwe nande ngo nahebwewe nande Wewe menya gusa ko bariko barategura ibindi bitero simusiga. Aha ni kabiri na rimwe bararigasubira kugwa. He Eh, kari bucane mutamagite, kari bunukuri. Yego Brema, ntabaje skenye. Kandi rero, sari yamaze kuzana ntsenere yamaze gushika. Eh, mbesha twe twamaze kwira batabye. Yo yamurabishobora. Murabishobora. Ngaze yanyu. Ah, eto gishobora. Yego nibuke yabo kene kwimurabishobora. Rero nibuke ubuke bizabiraze. Bizabiraza. Aho kurambira sobuja, atsanira gasona. Eh. Koko dukura. Yego, ege nabyo nyene. Arikara byumvira. Eh. None nada none we shabonima dana historia kuturara haruma je mwami nyene no bura ngoto ndi hanga ivye kamajambo rero uzenereze mviza basinda kubwire rasta nada rasta kubwiye utafiserezi wari yeko subira inyuma abarari ndacari kunda yaro none ntubizi ko bigoreka oya ivye ndeka shanigi oya dzina kubwire ni munya dikide no basi je ndo yatara nukuri nagaruka kandi wewe ndakubwire wese jambo gumuza kuwana hano hano ibijambe n'ijanye umuntu wakuza hano hanze kugorana oya ibyo gere dukwana navyo yo kari utane madam karibu ubundi ni kubera kijya cuka kibi cadutse hari rusangi none nakirungu bizigo ntwari bugo nimugero naye hadi je natanda ya kado ngo mukiriramwe wewe umviza shaida kubwira wewe gahungu ico menya cyocyo ijiminazi simi imbiryo samo tena batative ubwo muntu ke none imimbiryo zibikagera Nisha kwenye kama mriji minazi Mwenye tu muhimbiri na Oya Oya nungaburira Chesi ndu muhimbiri Oya ahore hero Oya Hako vuka huko mbugu ane Wawi watakuri kichi None utiki ya nani Utiki Nitondesha Aonyene Nitonde Auri hara bandisha Na uo chomoku None jaurandzi Jaurandzi Wewe Wawuri inde Urima Wanguri imana Dahila nani Wanguri imana Umureru buu Ngometa kwa kujena tutangana Ngometa mikwerek Sekirite Where's the kid? Papa Fundi, karibu tena kwetu. Asante Nora. Asante sana. Nisameni mikawia kidogo. Hakuna probleme. Najua kama ba engineer, muko solicite hapa Bugo. Pana. Sasa, mwenzangu hayupo. Fundari? Hey. Ilela. Fundari? Wee! Njoo msalimie mwenzako. Ni fundi. Eh. Bite mugabo. Ha. Jeni sa kweli. Ash, ndaona kubandura kufasha neza kabisa. Asante sana kabisa. Nina mwenzangu alishafika nyumbani. Unaona uko? Sa. Eh. Ngoja kwanza niwatafutie chakula. None gafundi. Eh. Aya masaa uramaze kuba ku kazi. Reka. Aho bwasigiranye shanti abakozi bonyine bafasanga bonye shanti yawe nibyo eh uruba nora niwe yaje kunerefona ngo oze ngitambarira straight ari byo eh cha taze kora mahoro abana nta kabikabo nokuri abanye bamwe bame gusa nibo mbona kandi bankagahabwa ayo bari sawa ah iyo nora hakuna shida njo nzuri nta kabikabo nokuri appetit merci nora Fun. Aha. Yo zikinya bugosha. Mubwire ko ndabashimira cyane ko kwa bala mpinda. Eh go kabisa. Ah, aho ndafyo. Nora. Fundera nasema kwamba asante sana kwa kuwa mlimsaidia. Anashukuru sana kabisa. Imani baheza gira cyane. Mutusame sana, pardon vraiment. Tu basame ni? Mwini tusaidia sana, tuwasamea tena. Nibuki gafundi. Harikawa saiba wasi kutuwabari ili mkabu. Kutuwabari ili, kana ni baba mfashichi. Ash, nikweli kwa rambuka. Tungelipenda abaki hapa, lakini, desole. Oh. Awezi baki hapa. Yamaa inga. Nibuki gafundi. Ega mungu, kwa kwa makuiru kani? Oye chale kakufina. Kwa kwa makuiru kani kabisa? Mutuelewe vrema. Atutaki makonfina madilani zetu. Bana tuakize kuficha wajambazi kutoka Irusangi. Ah, lakini Nora. Fundi, deja mamari anatumia mamenase kutelefone. Bana mwambia kiwazi kama bata mfukuza pamoja na wajambazi kutoka Irusangi. Oh la la. Ivi ko konsidere kom tretre. Mungwe, jo bana fika. Bana fika. Mande basi wakute hapa. Kibieni. Chakula mjambo. Mtia ule mlango wa mbele. Mungu we. Sandra, hiyo estriwa na guti. Ni agrado, Frem. Shhh. Shhh. Yo, pardon, shhh. Wano budze? Hiyo estriwa na guti. Ni bon, Frem. Il faut de temps en temps que tu aies une sortie de nous. Comme des amours. Tu vois que tu as une vie à la juste à mission, c'est un cadeau. Saint. Vous êtes sûr que tu es comme moi? Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Ariko vrema niko kure ngo ndagusohoka ntuze muri restaurant ngiye nje ngani ivuga ni nk'umusazi nawe wiri kuri WhatsApp kamera ya oya sindi kuri WhatsApp ça c'est trop oya nako ndara ama appel de couture ibintu byose birafite umwanya wafi imisiyo si cyo rumurango internet umpeshe umwanya wawe si umutuzi umutuko ku telefone yawe franchement je bilanda oya chérie non chérie ndatsiko yikubabaza mugabo nawe gerageza ntahureshe mbiko oya arabi misi yose mazi nchaya hamunzu ndi gishomeye ifoko nanje ntataza ndabaho noroka kazi chevi nawurashe yagusha burashe sitope ariko vrema ndume ndaga parazite mu ndaga ndakeneye akazi nanje ahandi warahaciye urahaze ubushomeri urabuzi ngene bubabazashe ok je comprends none nta mugabo ntawe urarenze Bingo, on a dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit Ok. Garçon! Kadogo! Ingoshanya lukana tukutule mkikoni. Nya lukasha! Umvilizo. Utugili ya kadopu. Oya. Daye lukile demipuri. Nachenda ige kono mvashon mkikamani. Mugile provansaye na mafilita kuyye kapsa. Yababi. Yes! Ah! Ah! Ego irabe iraba. Nguye kuri site yawe bitari mukireko. Niko bararondera umuforomashe iraba. Ya hospital sha imeze neza yo sha. Muwe imana niyo mpanga karonka gabashe. Imeze neza vraiment. Basabiki. Ira. Kufile irabira. Somanga. Kufile bashaka irahuye na CV yanje neza na neza irabashe. Aho mumenga ni wenyine barondera. Aha. Postirali. J'espère que vous avez vu l'actualité. C'est vrai, mais il est prêt. Bah, je suis en postulat, mais je suis en train de me faire. Ah, vous savez, j'ai une lettre de motivation, chef. Ah, je vais vous faire un peu. Je vais vous faire un peu. Je vais vous faire un peu. Je vais vous faire un peu. Je vais vous faire un peu. Je vais vous faire un peu. Je vais vous faire Et pourquoi pas? Donc, et oui, moussi nous achou. On y va. J'ai quoi que ça? J'ai oublié. Il a fait cet acte. Tu as nommé le côté, moi. On veut mon couchon d'honneur. Tu as nommé la base, mais tu vas tout bon. Yo, on va te dire, on va te battre. Aïe, non, de Yabak. J'ai mon cabon, il te Umbizana na kuki, ba tu kama tu kimo tu kama mfuli wosa kututera chakulengo aria kujakuta tumoboni. Mfanyo mfanyo, nane kumengo, wasomu tu raka kumengi mfuli kumbi kuika wangu, tu chetu kama he, eba tu povira nyenye na. cyari gikino muri kirukuri nimuze mutangwe gusubira gutega yombi inkuru y'abaseruko n'abarengero ku munsi wa gatatu isaha 12 n'igice zo kumugoroba no ku munsi w'Imana isaha 10 n'igice mu gatondo kuri radio Isanganiro. Muri kirukuri ni gikino mutegurirwa na La Benevolencia.